jamais trop cher. Une folle sensation m'a dit je ne sais quel sombre con. Moi j'ai ce goût amer, en doutant à raison de toutes mes ex-relations. Intime ou simple pulsion. Du monde de ceux qui restent en service de mes rêves. Ce soir j'ai fait le test. Oh, je me fous de tout le reste. Pour nous j'ai fait ce geste. Oh, mais la peur se manifeste. On badine pas avec la mort. S'il vous plaît, ma longue inexpérience, je n'ai jamais connu la souffrance. Mon cas particulier me pousse vers les croyances que jusqu'à là j'ai trouvé rance, car elles pourrissent mon existence. Yeah, c'est que j'ai comme un danger en suspens. Je sens en moi tout doux la lente évolution des actes.